Bien, bonjour, c'est l'émission mensuelle du Grémos avec, sur les ondes de Radio Audio. Avec, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Père, conservateur du musée Couriot, musée de la mine de Saint-Étienne. Puis Couriot, parc, musée de la mine. Puis Couriot, parc, musée de la mine de Saint-Étienne, c'est ça, qui va nous parler avec Michel Rothenberg, professeur à l'université Jean Monnet, de l'exposition qui est en ce moment installée, enfin depuis quelques jours, dans ce musée, puis Couriot, une exposition consacrée donc dans le cadre de la Biennale du Design, aux mutations du travail, consacrée aux allégories du travail. Donc, on va donner la parole tout de suite à Michel Rothenberg qui a préparé un questionnaire sur ce sujet. Merci Philippe. Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, nous avons eu le plaisir la semaine dernière, Jean-Michel, Philippe et moi, de visiter un petit peu l'exposition. On a fait un petit tour que Philippe nous a présenté. Il y a tout un tas de choses très intéressantes dans cette exposition et j'avais préparé quelques questions qui, à l'issue de la discussion que nous avons eue de cette visite, pour animer ce débat. Pour commencer, peut-être une question importante. Me semble-t-il, c'est la manière dont s'est faite la collecte de toutes ces informations, de toutes ces images que nous avons vues. Si tu pouvais, Philippe, nous en dire un petit peu plus, comment tout cela s'est fait, est-ce que vous avez procédé par sondage. Et puis, je continue, peut-être que tu nous dises aussi quel est l'objectif de cette exposition. Peut-être commencer par l'objectif, parce que je pense qu'en parlant d'objectif, on peut peut-être un peu mieux comprendre le sens de la démarche et notamment le travail de collecte. Moi j'étais ravi il y a 2 ans quand j'ai appris que le thème de la Biennale porterait sur les mutations du travail, et je me suis tout de suite dit que sur un territoire laboratoire tel que celui de Saint-Étienne, avec toute l'aventure industrielle et autour du travail de ce territoire, ça valait le coup de parcourir ce territoire pour voir de quelle manière le travail était représenté. Parce que moi, ce qui m'intéressait derrière les mutations du travail, c'est certes tout le débat autour des nouvelles formes du travail, on pourrait discuter sur le mot nouveau d'ailleurs, peut-être qu'on y viendra à un moment ou à un autre, mais ce qui m'intéressait surtout c'était d'essayer de réfléchir et de faire réfléchir les visiteurs autour de ce que signifiait et de ce que signifie aujourd'hui le travail, quelque part pour nous tous et pour les habitants du territoire. Donc l'idée en fait a été assez simple, basique. C'est de se dire, voilà, sur ce grand territoire tout entier tourné vers le travail, avec des gens qui sont venus de loin pour venir y travailler, avec l'importance du travail dans nos imaginaires d'hier et d'aujourd'hui, quelles pouvaient être les traces qu'on pouvait découvrir, des allégories, des figurations, des représentations du travail, des stéréotypes du travail dans ce qu'on a appelé l'espace public. Alors ce que j'entends par espace public, ce qu'on a entendu par espace public, parce qu'on a discuté ensemble dans la préparation de l'ensemble de ce travail, c'est pas seulement la rue, c'est aussi les endroits de représentation, les endroits qu'on peut fréquenter au quotidien ou qu'on a fréquenté au quotidien ou qu'on fréquente aujourd'hui au quotidien, ceux qu'on a pu aussi, qu'on fréquente de temps à autre. Alors ça peut être ce qui concerne des espaces d'aujourd'hui, par exemple les ronds-points, les grands murs peints qu'on peut avoir. Ça peut être des bâtiments de représentation comme les hôtels de ville, la chambre de commerce, l'école des mines. Ça peut être également les écoles. Cela peut être aussi les églises. Toute une série de lieux, y compris les cimetières. On en reparlera peut-être aussi sur la manière dont on est représenté, on se représente après la mort. Et l'idée, c'était de collecter large, quelque part, en arpentant ce territoire, dans une opération que nous avons débutée il y a tout juste un an, début mars, avec l'aide d'étudiants en master, des masters espace public, et puis voilà, une sorte de petit comité de pilotage informel dans lequel vous étiez tous les deux. Avec Georges Gay également. Avec Georges Gay. Et Jean-Claude Monneret. Voilà, si on fait... C'est un trait de collaboration entre le musée, l'université, le Grémos. Je crois qu'à un moment, c'est très important, ces collaborations, parce qu'on a on a tous des regards qui correspondent, vous, à vos disciplines scientifiques, moi, à mon métier, qui n'est pas tout à fait un métier scientifique. Enfin, si, qui est un métier scientifique. Ouais, pas de honte d'être conservateur. Et puis, voilà, et puis l'idée, c'était d'associer les différents points de vue qu'on pouvait avoir les uns les autres, avec peut-être le seul inconvénient, c'est que nous sommes à peu près tous de la même tranche d'âge. Mmh. Oui, tu es le plus jeune. Un mot quand même sur le titre, le mot allégorie. Je ne suis pas sûr que tout le monde mette la même définition derrière ce terme. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie pour toi ? Assez simplement, c'est un mot assez compliqué, allégorie. Je crois qu'en disant les choses simplement, c'est ce qui, au travers d'expressions artistiques, plastiques, d'inscriptions, d'écritures, met en avant des symboles qui peuvent faire sens de l'expression d'une pensée ou d'un contexte social donné. On reviendra peut-être aussi sur la complexité qu'il peut y avoir autour de ces choses-là, étant bien entendu que ce qui peut faire allégorie il y a un siècle ne le fait plus forcément aujourd'hui, qu'une allégorie peut se transformer en stéréotype, ou perdre toute valeur aujourd'hui voilà, dans des jeux complexes que tu saurais bien mieux expliquer que moi. Pour être très clair, hein, ce sont des images, ça peut être des statues, des fresques, des inscriptions. Mais ça peut être des inscriptions, donc tout ce qui est figuré. Voilà, tout ce qui est figuré. Alors, quand on visite un peu l'exposition avec ces, je crois, il y a combien de 200, 300 images, je ne me souviens plus exactement, il y en a beaucoup. Hein. Il y a un dispositif qui permet d'explorer 330 lieux. 330 lieux. Qui peuvent être avec plusieurs allégories et une bonne centaine d'images de montrées en très grand format qui immergent, qui mettent en face ce que nous sommes et ces images. Ça bien que tu expliques effectivement le dispositif. Ce ne sont pas des œuvres d'art en tant que telles, mais ah c'est. Ah non, ce ne sont, sont pas des œuvres d'art. C'est une démarche qu'on a souvent à Courriou, quelque part, hein, qui est de dire, voilà, quand on vient au musée, on a tous tendance à s'enfermer sur la galerie et sur la mine, et la figure du mineur, c'est quand même la très grande représentation du monde du travail, la très grande allégorie du monde du travail. Et l'objectif que nous faisons souvent, c'est d'emmener à l'extérieur, de retourner vers le monde, quelque part. Donc là, l'idée est assez simple, c'est immerger au travers de dispositifs de grande projection, avec un parcours, on commence par montrer les allégories contemporaines du travail, principalement des ronds-points, des murs, mais aussi de la statuaire. Un autre dispositif d'écran qui emmène plutôt vers les figurations des allégories des années 1850 à 1930. Et puis un grand dispositif de bandes tactiles, grand format, qui permettent cette fois-ci d'arpenter le territoire ou d'explorer des thèmes spécifiques, avant de replonger dans un grand melting pot final où on peut installer dans des canapés et le regard peut-être un peu plus aiguisé, se replonger dans ce qui nous entoure. Alors quand on visite l'exposition, il y a un certain nombre de points comme ça qui m'ont paru un peu saillants, en positif et un peu aussi, si on peut dire, en négatif. En effet, le travail dans l'exposition apparaît comme presque uniquement masculin. On ne voit quasiment pas de femmes, on ne voit pas d'enfants. On voit d'ailleurs très peu de gens âgés, hein, ce sont presque toujours des hommes dans la force de l'âge, comme si même sur les tombes de femmes, on n'inscrivait pas d'allégorie du travail, les femmes, il n'y avait pas de femmes tisseuses, par exemple, alors qu'il y en avait beaucoup, pas de femmes clapeuses. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a-t-il que des hommes? Est-ce que je peux émettre une hypothèse? Qu'est-ce que ça nous dit du monde du travail et de ses représentations? Alors, pour peut-être juste dire déjà un petit mot des allégories féminines qu'on a croisées. Ça permet déjà de situer un peu les choses. On en trouve, par exemple, des femmes habillées en travailleuses sur un certain nombre de monuments de la guerre de 14-18, avec le grand absent qui est le mort, le disparu, donc quelque part là. La femme éplorée qui reprend en main la vie de la famille en travaillant pour suppléer l'absence du mari et également dans l'éducation des enfants. On la trouve également à partir des années 30 en figuration sur des professions de type infirmière, de type institutrice, mais effectivement très rarement sur des professions manuelles, des professions d'usine. Je crois que ça renvoie tout simplement à l'histoire de la place de la femme dans notre société occidentale, où passé la guerre de 14-18 avec l'effort très important des femmes à l'arrière, les femmes, on va dire, rentrent à la maison. Et on voit bien toujours aujourd'hui la manière dont la question de l'égalité des, on va dire, des droits au travail et de la place de la femme dans le travail n'est pas encore acquise. Et quelque part, ces allégories, elles reflètent au fur et à mesure de leur mise en place l'état du monde tel qu'il est, plus tel qu'il est espéré qu'il ne soit. Alors il y a quand même, et je pense que c'est en le signalant, ça permettra aux Stéphanois qui la connaissent bien de bien comprendre ce que c'est qu'une allégorie. Il y a quand même la fameuse statue de la Rubannerie sur la place de l'Hôtel de Ville. Voilà, mais alors là, on est devant non pas une représentation physique, mais sur les systèmes hérités du XVIIIe siècle, avec la mise en scène au travers de ce qu'on retrouve dans la manière de représenter les choses au temps des Grecs, au temps des Romains, qui est la manière de figurer cette fois-ci une allégorie au travers d'un personnage qui n'a pas... Qui n'est pas directement la figuration d'un ouvrier, d'une ouvrière, d'un ingénieur, d'une ingénieuse, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. Et ça, c'est la première vague de représentation qu'on a sur le territoire, avec des choses remarquables. Ces deux statues, par exemple, devant l'Hôtel de Ville, qui peuvent paraître habituelles pour les Stéphanois, mais je n'en ai pas trouvé d'autres devant d'autres grandes mairies françaises avant les années 30. Qu'on retrouve également, par exemple, sur le plafond et les dessus de porte du premier hôtel de ville de Rive-d'Augier, où là aussi ce sont des femmes qui figurent la métallurgie. Alors pour la verrerie, c'est un peu plus compliqué, c'est sans doute un éphèbe, mais aussi par exemple la mine, avant qu'on passe à des représentations masculines et plus typées, ressemblant plus directement à un travailleur au travail, si je puis me permettre, à la fin du 19e siècle, à partir des années 1910. Alors un autre point qui me semble assez significatif, c'est la répartition des métiers dans ce qui est représenté. Il y a des métiers qui sont très présents, d'autres qui le sont moins. On voit beaucoup de représentations de mineurs, des représentations de métallos, et d'autres représentations qui sont moins présentes. Est-ce qu'il y a une espèce de typologie qu'on peut faire de ces métiers? Est-ce que certains sont plus présents dans certains lieux, certaines formes de figuration. Oui, il y a des questions d'absence ou de présence dans les figurations. Et puis, je pourrais vous donner quelques exemples aussi d'absence de professions pourtant fortement représentées dans certains lieux. Alors, dans les grands absents, il y a quelque part le textile. Voir un métier à tisser figuré. Alors, il y a bien sûr le monument à Jacquard qui date de 1911, place Jacquard, juste à côté de l'école d'architecture. Une ou deux autres représentations, mais le textile est très très faiblement représenté. Pour voir un métier à tisser réellement figuré, il faut attendre les années 1890, même si bien sûr on a la statue de la Rubannerie, place de l'Hôtel de Ville, et c'est sur un vitrail dans une église, non loin du musée de la mine d'ailleurs. On a d'autres grands absents ou très faiblement représentés, je pense à tous les travaux de force et de peine que peuvent être par exemple les terrassiers. On a quelques figurations, mais rares. Alors là, je fais plutôt allusion également à d'autres professions mises en avant ailleurs. Je pense à la Chine, par exemple, où la question du porteur et de l'homme de peine du bâtiment est beaucoup plus fortement représentée qu'ici. Le verre, lui, est présent ponctuellement, dans un certain nombre de... là où l'industrie verrière est présente. En revanche, on retrouve effectivement le mineur et le métallo, et surtout le mineur, très en force. Mais pas toujours en certains lieux. Je pense au centre-ville de Saint-Étienne. Donc le centre-ville, c'est-à-dire le lieu phare des représentations du paraître et de l'organisation des jeux institutionnels. Il faut attendre en fait la grande peinture de Jean-Paul Laurence dans la préfecture qui est conçue vers 1902-1903 pour voir figurer le peuple de la mine, ce qui est assez étonnant. Si vous regardez bien l'Hôtel de Ville, on a la Rubannerie, la métallurgie, on n'a pas la mine de figurer. Il y a un rapprochement à faire finalement entre l'absence, quasi-absence de figuration du textile et la faible place des femmes, puisque c'est quand même les femmes qui étaient souvent médiatisées. Voilà, très très probablement. Je pense aussi que les choses sont un peu plus compliquées au sens où derrière le textile, c'est une activité à domicile sur le bassin stéphanois, beaucoup plus qu'en grandes usines. Et là, il serait intéressant de comparer par rapport à d'autres territoires. Je pense par exemple au Nord-Pas-de-Calais, pour voir si les représentations du textile sont aussi peu abondantes que sur le territoire stéphanois. On va faire une petite pause musicale. si vous le voulez bien. Alors, on a parlé du textile, bah, précisément une peut-être chanson de circonstance avec un groupe qui nous provient de la région, qui est plutôt basé du côté de Lyon. C'est le groupe Bistonclac, qui est un groupe de chansons donc lyonnais, et qui se revendique de l'histoire sociale du quartier de la Croix-Rousse, dont ils sont originaires, et qui a notamment fait de la révolte des Canus. Je vous propose de retrouver eh bien, une de leurs chansons qui aborde la question du travail également, puisque le titre s'appelle Poyo pa trabalar ou travaillar, je ne sais pas si c'est arpitan ou occitan, bref, on les écoute. Le Bistonclac était le bruit des machines à tisser précisément. Voilà, Bistonclac, donc Poyo pa trabalhar. Poyo pa trabalhar, l'oline, perce que comerant autour du te. Poyo pa trabalhar, l'oline, perce que comerant autour du te. Les mines à bien, les beurre bien. Quel métier, le métier, que m'agrado. Les mines à bien, les beurre bien. Quel métier, que m'agrado fort bien. Poyo pa trabalhar lo mar, perce que co fe ma mon lar. Les mines à bien, les beurre bien. Quel métier, le métier, que m'agrado. Les mines à bien, les beurre bien. Quel métier que m'agrade fort bien. Oh, yo passe travailler le mercre, parce que qu'on fait ma mon être. Des mines à bien, des beurre bien. Quel métier, le métier que m'agrade. Des mines à bien, des beurre bien. Quel métier que m'agrade fort bien. Poyo pa trabalhar lo jos, perce que co fe ma mo jos. Les mines à bien, les beurre bien. Quel métier, le métier que m'agrade. Les mines à bien, les beurre bien. Quel métier que m'agrade fort bien. Poi ho pas travagliare lo vandre, perché che con me fu mamma ventre. No, io pas travagliare lo vandre, perché che con me mamma ventre. Le mines a bien, le beurre bien. Que le métier che m'agrado. Le mines a bien, le beurre bien. Que le métier que m'agrade fort bien. Maman, maman, mon yo, boy, yo, boy, yo, boy. Maman, yo, boy, boy, yo, boy, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, yo, boy, les mines à bien, les beurre bien. Quel métier que m'agrade fort bien. Bien, c'est donc l'émission Grémos mensuelle avec Philippe Père, donc conservateur du Puy Goriot, parc musée de la mine de Saint-Étienne. Nous sommes en train de parler de l'émission que cette institution a mise en place depuis quelques jours dans le cadre de la 10e Biennale internationale du design. Et Philippe, nous voudrions maintenant que tu évoques ce qui semble ressortir au parcours de cette exposition, une sorte de périodisation. Il semble qu'il y aurait trois grandes périodes d'après la collecte qui a été faite, trois grandes périodes de représentation du travail dans les espaces publics de la région stéphanoise. Oui, à grosse paille, oui. Trois grandes périodes. Avec une sorte de préhistoire quelque part, que sont les représentations des saints patrons dans les églises. Mmh. On retrouve des saintes Barbe, des saints Éloi, en général à l'époque pas accompagnés d'outils. Et puis on a une première grande poussée de figuration qui arrive à partir des années, on va dire 1870, jusque vers 1914, avec... À la fin du siècle, notamment à Saint-Étienne et au centre-ville, une accumulation de représentations. On est sur très très peu d'années entre le plafond de la chambre de commerce, la grande peinture de Laurence à la préfecture, tout un certain nombre de choses qui vont jusqu'au monument à Jacquat en 1911, toute une série de représentations qui s'accumulent et qui s'entassent même, notamment dans les espaces majeurs, emblèmes de la ville de Saint-Étienne. Ça touche peu entre nous, les autres communes de l'agglomération à cette période-là. On a Rive-de-Gier, on a un plafond peint, 1874. On a aussi la statue à Sadi Carnot, à Saint-Chamond. Mais c'est à peu près tout ailleurs. Comme si l'émergence de la préfecture, les discussions autour de la question sociale, hein, dans une période à la fois de crise et d'avancée sociale, on y reviendra peut-être autour des représentations... lié au milieu catholique, par exemple. Voilà, bon, il y a une sorte d'apothéose vers la fin du siècle qui se prolonge jusque vers 1911-1913. On a pour moi une seconde période qui arrive après, dans les années 20, surtout dans les années 30. On a une seconde poussée, à nouveau dans une période difficile. Des années 30, c'est une période difficile à tout point de vue. Où là, ce que je trouve intéressant, c'est au-delà de l'arrivée d'un certain nombre de représentations du travail, par exemple autour de la statue d'Antoine Durafour à Saint-Étienne, on voit aussi émerger un certain nombre d'autres thèmes autour de la santé. Je pense par exemple au grand décor de la charité de Maurice Denis en 1936, autour aussi de visions utopiques, comme par exemple le grand décor de la salle du conseil municipal de Firminy, où on a d'un côté une Assyrie apaisée, et de l'autre, le peuple du travail avec une dignité acquise, ou pour poursuivre sur la question des femmes, les femmes préparent à manger pour les hommes, où on voit bien émerger quelque part, alors c'est pas tout à fait d'autres thèmes, hein, le droit à la paresse de la FARC, on est au 19e siècle, mais on voit bien apparaître, le travail de toute façon n'est jamais seul, hein, sur sa représentation et sur ses allégories, mais on voit bien apparaître toute une série de nouvelles dimensions. Les années 30, c'est l'arrivée des allocations familiales, c'est l'affirmation d'un certain nombre de choses importantes. C'est aussi la période où, par exemple, on voit au Chambon-Feugerolles, sur les frontons des écoles que construit le maire et député Pétrus Faure. Très belle citation de Jaurès. C'est l'époque aussi du monument à Jaurès, place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Voilà, on voit un second bloc de représentation qui apparaît également dans les églises. Ils ont participé, hein, au premier mode de représentation du travail à la fin du 19e siècle, mais on voit arriver ce que c'est des figurations du monde ouvrier, quelque part, à, pour le dire un peu vite, à re-christianiser, que met en avant l'Église autour de l'action catholique à partir des années 20 et des années 30. Et ce mouvement-là se prolonge sous Vichy et sous les débuts de la 4e République, quelque part jusqu'au milieu des années 50. On a, me semble-t-il, après ça, une troisième grande période où ce qui, pour le dire un peu vite, va faire monument, va faire statue, sont principalement les ronds-points, les grands murs peints. Hein, c'est le développement de l'automobile qui amène de nouveaux systèmes, quelque part, de lieux de représentation. Mais un objet sur un rond-point, c'est un peu comme une statue, finalement. Où là, on va avoir toute une série de nouvelles figurations du travail, mais qui figurent cette fois-ci du travail mort, avec des choses extraordinaires sur ce territoire. Je pense au rond-point des Chambon-Feugerolles, où on a fait tourner une route autour d'un chevalement. Je pense au grand volant de la Minoire, à Unieux, qui fait frontière entre le territoire industriel et le territoire de la nature. Et dans beaucoup de cas, par exemple, quand on analyse de près, on voit bien comment ces ronds-points font frontière d'identité, quelque part. et jalonne les entrées de communes comme les murs peints. Et on a souvent une répartition intéressante entre ronds-points consacrés à la nature, ronds-points consacrés à une identité passée peut-être mythifiée. Voilà, on a toute une série de nouveaux jeux autour du travail. Et en revanche, très très rares sont les figurations contemporaines du travail, mis à part ce qu'on a exploré également, les publicités urbaines, les enseignes et ce genre de choses. Tu as parlé beaucoup, enfin beaucoup, tu as parlé un petit peu de la religion en évoquant les fresques dans les églises. Est-ce qu'il y a également une dimension politique dans ces allégories, dans ces images, dans les textes ? Ah ben on les trouve d'évidence, en permanence. Est-ce qu'il n'y a pas une compétition en fait entre les républicains et les catholiques ? Parce que début de la Troisième République. Les républicains peuvent être catholiques également. Oui, oui, non, je sais bien. Enfin, bon, les républicains du début de la Troisième République sont plutôt anticléricaux. Socialistes, apparaît-il. Ils sont plutôt anticléricaux, les républicains du début de la Troisième République. Et je pense qu'il y a certaines. Aussi bien pour le monument du Rafour, on pourrait en discuter, que pour la représentation de la fresque de la Bourse du Travail. Il y a un discours qui est quand même discours de la République sociale, plus que discours du catholicisme social. Moi, je te suis pas tout à fait, parce que derrière les poussées de la fin du 19e siècle, on voit bien comment, par exemple, sur ce territoire, les idées de Léon Armel, les idées d'un catholicisme social qui va s'associer au protestantisme social, et puis aussi à des républicains laïcs autour, par exemple, du musée social à la fin du 19e siècle à Paris pour faire procéder à quelques-unes des avancées quand même majeures, la loi sur les accidents du travail, etc. C'est bien des regroupements, on dirait aujourd'hui, c'est d'actualité, de progressistes, quelque part, qui sont à l'origine. Et sur ce territoire-là, on voit très bien comment on a des représentations et des allégories du travail dans certaines églises qui reflètent un type de catholicisme, on va dire, paternaliste à l'ancienne, on va dire, comment d'autres églises ou d'autres systèmes d'allégories commandés par une puissance publique liée au catholicisme, on va dire libéral ou avancé, on voit bien qu'il y a des distinctions sur les manières de représenter, comme il peut y en avoir également avec ce qui est porté plutôt, je pense à Jules Le Dain par exemple, à la Bourse du Travail, ou à toute une série d'autres maires qui peuvent être dans des majorités plus ou moins composites, plus ou moins progressistes, plus ou moins avancées, influées par certaines utopies sociales, mais qui peuvent faire consensus sur un certain nombre de points entre certaines forces. Voilà, je crois qu'en fait c'est beaucoup plus riche et beaucoup moins simple. Enfin, je pense que l'avantage de cette exposition-là, c'est de pénétrer un peu plus en profondeur et de peut-être de remettre en discussion certaines frontières qu'on a un petit peu tous acquises dans nos têtes entre, je n'ose pas dire entre le bien et le mal, ce sont des grands mots, mais quelque part entre ces dimensions. Non, c'est pas la question, mais en même temps, il existe des débats, c'est sûr. Oui. Tu as parlé du monument Jacquard 1911, or entre la fin des municipalités de gauche qui sont grosso modo entre 1900 et 1910 et l'arrivée de Néret, il y a une bagarre sur cette statuaire publique, puisqu'on évacue l'apprenti, on évacue le terrassier, on les envoie au musée d'art et d'industrie, parce qu'on considère, parce qu'une certaine bourgeoisie, alors je ne sais pas si elle est catholique, certainement pas catholique sociale sans doute, mais une certaine bourgeoisie considère que c'est la laideur qui est dans la rue et qu'il faut l'évacuer de l'espace public. Alors, je te suis sur ce point-là, c'est qu'il y a effectivement des débats politiques autour de la question de la présence ou non, ou du type de représentation. Mais il y a aussi tout le jeu entre, on va dire, la commande, celui qui porte la commande, et l'artiste. Je crois que là-dessus, par exemple, si pour faire simple et pour aller à très grands traits, ça fera un jour ou l'autre l'objet d'un livre, c'est autour de Félix Thiollier, par exemple. On voit bien comment Félix Thiollier est à la fois derrière la commande du plafond de la chambre de commerce, comment est-ce qu'il est derrière la commande des mineurs, et on voit bien aussi quand on analyse la difficulté qu'a Jean-Paul Laurence et Félix Thiollier pour faire passer l'idée de la peinture de Laurence avec ce grand cortège de mineurs qui attendent qu'on leur reconnaisse leurs droits. On voit bien aussi comment Félix Thioly est derrière la commande du monument Jacquard. Donc il faut faire attention sur ces questions-là. Et Félix Thioly a quelque part un positionnement très proche d'un certain nombre de grandes figures, on va dire, de ces courants catholiques en discussion autour de la question sociale par les personnes qu'il fréquente à Paris, comme Adrien Mitoire et beaucoup d'autres, dont quelqu'un comme par exemple Arthur Fontaine, qui est quand même un grand personnage du ministère du Travail à la fin du 19e siècle et qui fonde le Bureau international du travail en 1914. Donc il y a aussi quelque part une sorte de jeu, d'autonomie peut-être un peu plus importante qu'on ne le pense dans le jeu entre les commanditaires politiques, ceux qui portent, ceux qui servent d'interface, qui font émerger un certain nombre d'idées de représentation, et les artistes. On voit bien très bien ce que tu dis, que toutes ces figurations représentent d'une certaine manière les débats de l'époque dans lesquels ils ont été commandés ou conçus. Parfois, c'était un petit décalage. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des la troisième période que tu évoquais tout à l'heure, où il semblerait quand même que ces figurations soient plus mémorielles que pédagogiques ou politiques. Si on reprend par exemple l'exemple de la peinture de Jean-Paul Laurence, avec ce cortège de mineurs dignes, en même temps accablés, qui est en train d'acquérir ses droits, c'est à la fois la République, cette manière d'affirmer que la République est celle du monde des travailleurs, enfin, que la ville et l'industrie prennent le pas sur la culture, sur l'agriculture, pardon, sur le monde paysan, avec la complexité, un certain nombre sont en sabots, par exemple, dans la transformation d'un monde. C'est allégorique, mais c'est mémoriel en même temps, quelque part. C'est une manière d'affirmer la transformation d'un monde qui est en train d'acquérir ses droits et qui les acquiert. C'est quand même la grande période des avancées sociales de la fin du 19e siècle. Sur les ronds-points, c'est certain que là, on est sur des systèmes de commandes qui associent quelque part et la volonté d'un commanditaire. En général, c'est les municipalités qui s'occupent non pas de tracer les ronds-points, mais qui s'occupent de l'aménagement intérieur du rond-point. Et on a plusieurs cas de figure. Ça peut se faire de manière participative, en associant un artiste, des écoles. Ça peut se faire aussi de manière, on va dire, je n'ose pas dire plus autoritaire, mais c'est le premier mot qui me vient à la bouche. Je pense par exemple du côté de Lorette. Plus directive. Mais il y a le rôle des sociétés d'histoire aussi, comme à la Talaudière, où l'ancien directeur du musée du patrimoine est à l'origine des deux ronds-points figurant des puits. Oui, tout à fait. C'est en même temps le symbole sur ces deux ronds-points-là, qui sont plutôt des systèmes d'entrée et de sortie d'une nouvelle zone d'activité installée sur l'ancienneté de la mine. Ils ne sont pas vraiment un symbole de l'identité des communes en question. Sorbier, ce qui fait beaucoup plus ce symbole quand on regarde le dispositif de Sorbier, c'est la vitrine du Cloutier, par exemple. C'est la charrette fleurie, Sorbier juste... en entrée, c'est les photos dans l'escalier qui permet de monter au premier étage de l'hôtel de ville, où on prend de face un mineur, accompagné de son cheval d'ailleurs, et puis en descendant plutôt le monde de l'agriculture. Quand vous regardez bien la Talaudière, ce qui fait allégorie aujourd'hui, c'est plutôt un dispositif de rond-point du centre-ville, et puis ce grand mur peint au carnaval, quelque part, comme si la mémoire du... Le fait de travailler était quelque part chassé, ou tout du moins mis sur le boisseau, dans une sorte de compétition d'identité entre commune centre, commune périphérique. Enfin, voilà, pour moi, les deux, je ne suis pas sûr que les deux ronds-points qui jalonnent les... On est sur le territoire de la Chazotte, ancien territoire minier quand même. Oui, tout à fait, mais en termes d'allégorie contemporaine, je pense que ces deux ronds-points-là correspondent donc à un moment donné de la conversion de ce territoire-là. Ouais, c'est ça. Et ils ne sont pas en position centrale, ni en position réellement d'approche du cœur de l'identité d'une commune, qui est quelque part sur ce territoire-là. Je ne parle pas pour le Corbusier, qui est autre chose, mais qui est quelque part l'église et le groupe de maisons qui sont autour, avec la dimension un peu mythique et mythifiée que tout cela a dans le monde d'aujourd'hui. Mais je reviens sur ma question, parce qu'on reparlera dans un instant de la localisation de tout ça, mais il semble quand même que la fonction de ces allégories contemporaines soit peut-être moins documentaire, moins politique, c'est ce que je voulais dire quand je disais peut-être plus mémorielle, que ce qu'elles étaient dans les années 30, ou dans les années de la fin du 19e siècle, en plein débat entre les républicains et les catholiques. Alors, est-ce que la question se pose toujours dans les mêmes termes ? Oui, elle se pose toujours dans les mêmes termes. Mais prenons l'exemple, excusez-moi de rester plutôt dans un premier temps sur des exemples anciens, mais prenons l'exemple du monument Antoine Durafour. Mmh. Ce qui est représenté autour de lui, c'est... 1934. 34. C'est des métiers où le geste et l'outil sont figurés, pas l'usine. Et l'usine est quelque part la grande absente de toutes ces allégories-là. Tu ce sont des vieux travailleurs, d'ailleurs, qui sont représentés. Des vieux travailleurs. Alors, tu as la mine, mais la mine, c'est pas l'usine, c'est autre chose. Tu as l'armurerie, tu as un forgeron. C'est un forgeron, pas un métallurgiste, même si même moi je crois que j'ai écrit métallurgiste dans l'exposition, mais c'est un forgeron et quelqu'un du monde de la rubannerie. Et dans les années 30, on sait très bien ce système productif-là, on le voit bien, il est plus qu'essoufflé, il est en train de s'éteindre. Et quelque part, on est sur un processus d'extinction et je pense que ceux qui ont commandé la statue le savent. Il y a un nouveau monde qui émerge et on est quelque part en situation mémorielle de la même manière aujourd'hui que ces deux ronds-points de Sorbier de la Talaudière ou que le rond-point au volant de la Minoire du Nieu. Je pense, voilà, la dimension mémorielle a toujours été présente. C'est un peu ce que tu veux dire. Pour moi, elle est toujours présente. Elle est présente de... Alors, ce qui serait intéressant, mais c'est peut-être difficile d'en juger aujourd'hui, c'est de voir si aujourd'hui... Et là, il faudrait faire le travail, c'est-à-dire reprendre tous ces dossiers, de regarder comment ils ont été reçus à l'époque, dans la presse, qu'est-ce qui a été dit, ce que nous n'avons pas fait, dire les choses simplement. C'est de voir les mots qui accompagnent tout ça et de voir s'il n'y a pas des pertes, si on ne retrouve pas des mots dans des situations, on va dire, sociales, politiques, économiques, de mutation, de déstabilisation, plus importante qu'il n'y paraît. C'est vrai pour les années 1880 ou 1900, c'est vrai dans les années 30, c'est vrai aujourd'hui. Pour voir si cette dimension mémorielle qu'on retrouve en continu ne correspond pas à des crispations autour des transformations du monde, à des mises en débat également importantes. On voit bien dans les mutations du travail aujourd'hui, on voit ressurgir, quelque part pour moi historien, le vieux système proto-industriel de travail à façon qui a été remplacé par le salariat. Et on voit bien ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est le retour à une structure éclatée, polymorphe, avec... On commémore plutôt l'entreprise et l'usine aujourd'hui. On commémore peut-être, mais les transformations du monde aujourd'hui... On célèbre. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr non plus qu'on commémore l'usine. On célèbre l'usine quand elle disparaît. Quand tu regardes bien sur les murs peints, je connais de tête une seule figuration d'intérieur d'usine. C'est à Unieu sur un mur peint qui est juste derrière dans le quartier de Saint-Picot qui figure, tiens, là, des ouvrières en train de travailler. Mais on est plus sur un système de décor tiré d'un montage de cartes postales que sur une allégorie, me semble-t-il, au plein sens du terme. Mais l'usine est très peu célébré au total, des cheminées d'usine par exemple, qui est quand même un grand emblème. J'en connais, alors mis à part celles qui existent dans le paysage et qui sont conservées, ce qui était aussi un réflexe de grand symbole, au même titre qu'on a ce réseau de Vierges et de Notre-Dame qui jalonne tout le grand territoire, Stéphane, depuis Givors jusqu'en Chaumont-Feugerolles. On n'a guère que sur la peinture de Laurence où on voit des cheminées, et sur le monument aux morts de la Ricamarie, on a des cheminées verticales. La cheminée est une grande absence, de même par exemple que le laminoir. Oui, c'est tout à fait étonnant. Quand on voit les photos de Thiollier ou tout un tas de textes du 19e siècle, la cheminée est présente. Oui, mais là, on pourrait discuter longuement sur Félix Thiollier. C'est sur l'ébranlement du monde qui figure, quelque part, et la fin aussi du monde rural dans lequel et proto-industriel dans lequel il a grandi. Thiollier, on est sur une allégorie qui correspond exactement à ce qui est discuté dans les sphères qu'il fréquente, notamment sur Paris. Oui, mais ça n'empêche que ce qui est présent dans ces allégories, c'est la cheminée. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on va retrouver chez les écrivains ou chez les photographes. Quand on regarde par exemple les œuvres de Constantin Meunier qu'il devait connaître de la même période, quand on voit, on a tout un courant qui s'articule de cette manière-là. Une nouvelle petite pause musicale, messieurs, avec Dominica qui nous chante le travail. Mmh. revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvait. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais du travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait à chercher du travail. Qui maintenant m'attend et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend et m'attend et m'attendra longtemps. Je recherchais du travail, nul l'autre n'y croyait. Je recherchais du travail, pas assez snobitaire. Je renonçais au travail, tu dors trop, il faisait. Je renonçais au travail, toujours plus seul j'étais. La la la la la. Michel, toi, de poser une question à Philippe. Oui, Yann, une question qui est importante aujourd'hui, qui n'est pas une question d'historien, qui va être une question plutôt de sociologue, ou de sociologue qui s'intéresse à l'histoire, c'est que toutes ces figurations, toutes ces allégories ne sont pas installées n'importe où. On en trouve dans des lieux bien précis, dans des endroits de la ville bien précis. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Est-ce qu'il y a peut-être une espèce, peut-être pas une typologie, mais... Ça, c'est logique, c'est dans les lieux où elles sont représentées. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, ce qui moi m'a beaucoup surpris, c'est que dans les taxes sauvages. Dans les quoi? Dans les taxes sauvages. Oui. Dans les vieilles usines abandonnées. Je pense par exemple avec les difficultés de la reconversion du site de la verrerie de Rive-de-Gier. À l'intérieur, on a des choses sur le monde, des robots de représenter, le mot atome de figurer, mais finalement, on n'a pas trouvé, sorti sauf un moment, elles ont été effacées depuis, un hommage sur le chevalement du Puy des Combes à la fusillade du Brûlé de 1869, on n'a pas trouvé de représentation et de figuration du travail. Et ça, ça m'a... Voilà. Alors, autrement, il y a bien sûr toute la vague de la statuaire publique, etc. On a évoqué ces espèces de nouveaux espaces urbains que peuvent être les entrées de ville, qu'elles soient jalonnées par des ronds-points ou qu'elles résultent d'opérations qui libèrent suite à démolition des murs. Je pense à celui consacré par exemple au Corbusier à Firminy, où on est quelque part aussi sur la question du travail. Les lieux qui en produisent le plus, c'est pas du tout cela. Ce sont d'évidence les cimetières. On a avalé tous les cimetières de l'agglomération, vu à plusieurs, mais j'en ai fait beaucoup, à peu près 100 000 concessions, et à peu près, en moyenne, à peu près 3%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça, de représentation, de figuration du travail sur les tombes. Alors que ce soit sous forme de peu nombreuses, de statuaires sur certaines tombes, Crête Rock, par exemple, il y a une tombe de mineur grec avec une statue de mineur, 1,20 m de haut. Quelques allégories aussi du travail sur des tombes d'industriels, rares, hein, grand patronat stéphanois de type catholique libéral représente plutôt sa figure de libérateur, d'accompagnateur, de bienfaisance quelque part, non pas de charité. Il y a des distinctions importantes à faire sur ces choses-là. Puis on a surtout toutes ces tombes ordinaires, on va dire, sur lesquelles on a été très surpris de ce qu'on a constaté. Alors, vous avez par exemple les tombes de mineurs. Alors, évidemment, il faut faire les cimetières de Roche-la-Molière, de la Ricamarie, Belle Promenade, de Firmini aussi, qui est un très beau cimetière paysager, le Chambon. On a une multitude de plaques qui peuvent associer dans des compositions qui bougent, qui associent souvent et les loisirs, les jardins oubliés, les boules, la pêche à la ligne. Grand symbole, classique, mais grand symbole aussi du non-travail, enfin de la complexité de ce qu'on appelle le travail, quelque part. Et sur les tombes du mineur, ce qui est, on a des figurations de lampes, on a des figurations de têtes casquées, assez stéréotypées de chevalement. Et par exemple, ces plaques-là sont à 95% posées par la famille. Pas par les amis du travail, par la famille. Et dans le cas des métallurgistes, il y a beaucoup moins de plaques. Il y a très très peu de figurations. Ce sont des inscriptions sur les plaques. Et là, dans 95% des cas, ce sont les copains d'atelier qui font, qui mettent ces plaques-là. Et là, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas de lecture. On parle de ce monde d'amines si solidaire, le fait qu'il y ait très très peu de plaques d'amis de travail, je ne sais pas. On a aussi d'autres professions qui sont figurées par les outils de travail, alors qu'on n'a pas du tout donc sur les métallurgiques, hein, pas de marteau-pilon ou un ou deux marteaux-pilons, pas de laminoir. On a aussi par exemple les agriculteurs. La présence du tracteur, la présence de la ferme est très très fréquente sur les tombes d'agriculteurs dans les territoires ruraux, mais y compris jusque dans Saint-Étienne. On a également une autre grande figure du monde du travail dont j'ai complètement oublié de parler tout à l'heure, parce qu'on n'en a pas d'allégorie dans l'espace public proprement dit, que sont les camionneurs, les transporteurs. Je pense au salaire de la peur, hein, quand même un grand film un peu mythique sur cette profession-là. On n'a quasiment pas à nouveau de représentation du textile, par exemple. C'est exceptionnel. Sur 3-4 000 tombes de repérés comportant des représentations, des allégories de travail, je dois avoir un métier à tisser de figurer, c'est tout. Et très très peu de mentions. Il n'y a pas que les cimetières. Oui, alors là, il y a toutes les fresques sur les murs pignons, on parlait des écoles, on parlait des... Oui, alors en répartition, quelque part, c'est très divers, finalement, au total. On peut avoir, dans le cadre de la politique du 1%, par exemple, on a une très belle journée de l'apprenti qui était au Chambon-Feugerolles sur l'ancien lycée Adrien du Testu, qui est aujourd'hui sur le pignon d'une construction des années 50. Mais sur la période contemporaine, c'est très clair que Mure-Point et Rond-Point l'emportent de manière plus conséquente. Les seules exceptions se trouvent en fait à Lorette, entre le monument aux fondeurs autour de Jackson, le monument aux Villebrequin, et puis un certain nombre de morceaux de machines ou d'objets de fabrication qu'on retrouve ici ou là dans un certain nombre d'hôtels de ville. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'art public contemporain qui figurerait le travail ? Alors en art public, parce qu'après ça on peut longuement discuter sur qui fait quoi et qui intervient, on a un très beau mur peint à Unieu qui date des années 90 sur le pignon de la caserne du Vigneron, qui figure une espèce de machine-outil avec des engrenages. C'est Botonzi qui l'a fait, qui est assez connu aujourd'hui pour un certain nombre d'interventions dans l'Europe entière, qui là aborde une dimension artistique et métaphorique forte sur la complexité du monde, l'absurdité du monde et la place du travail. Alors, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure quand tu parlais, je crois, de Sorbier, qui était que les ronds-points ne sont pas au centre de Sorbier. C'est le Chazotte qui est assez mignon. Oui, la Talaudière plutôt. La Talaudière. Mais est-ce que le fait d'être situé en centre-ville ou en entrée de ville est quelque chose qui peut avoir une signification au travers de l'opération, enfin, les étudiants ont rencontré un certain nombre d'élus, et on voit bien quand on regarde la topographie, si on prend par exemple l'exemple du Chambon-Feugerolles, que là on a un système, on va dire, d'identité qui est mis en place avec un dispositif qui associe par exemple à la fois un mur peint comme celui du quartier de la Malafolie, à des dispositifs de ronds-points au contact avec la Ricamari, des ronds-points plutôt consacrés à la nature, au contact du Pila, ou à Crozet-Fourneyron avec une grue à un endroit. Y a d'autres cas où on n'est pas du tout pas du tout le même type de choses. Saint-Étienne, par exemple, n'a pas de ronds-points autour de la question du travail. Et n'a pas de Saint-Chamond non plus. Alors, on a des occupations de temps en temps au moment de grève, comme par exemple en 2004 où le rond-point est investi par des travailleurs avec la grande grève autour de la fermeture de Giat sur Saint-Étienne. Mais voilà, les choses peuvent se jouer finalement de manière très différente d'un territoire à un autre. Et je pense qu'il y a pas, il y a un certain nombre de tendances qui se dégagent, mais il n'y a pas non plus de systématisme. Il y a aussi, par exemple, le travail de Saint-Étienne Métropole en 2014-2015 au travers de trois grands murs peints allégoriques sur l'identité du territoire, quelque part le territoire design, le génie créatif du territoire, qui est présent à la fois à la rive de Gier, à Firminy, par exemple, mais qui... et au Chambon-Feugerolles, qui dans un cas peut parler du travail au Chambon-Feugerolles, de l'autre cas quasiment totalement l'évacué à Rive-de-Gier, qui à Firminy est autour de la figure moderniste de Le Corbusier, avec toute la complexité de ce qu'est Le Corbusier et de ce que signifient ses postures. Une question que je me pose par rapport au rond-point de l'entrée du Chambon quand on vient d'Aricamari, où il y a le puits Marseille, donc ça peut être vu comme une façon de valoriser ce puits. Est-ce que c'est pas aussi une autre façon de voir, dire c'est l'enfermer et l'évacuer un peu de la mémoire du Chambon et d'une ville qui veut se reconvertir et oublier ce passé minier? C'est une question totalement personnelle. Je pense que ça illustre bien, et je crois que le plus bel exemple qui illustre tout ça, c'est la question du puits des Combes à la Ricamari. Je crois que ça illustre bien la complexité de l'ensemble des mécanismes qui ne sont pas forcément conscients, qui sont à l'œuvre derrière tout ça. L'exemple du puits du Combe, c'est quelque part un exemple remarquable. C'est une petite silhouette qui domine toute la vallée, qu'on voit laissée à l'abandon. On a un lotissement, le lotissement du Soleil aujourd'hui, qui est monté à l'assaut de la colline, absolument, qui s'arrête à 20 mètres du chevalement. Très franchement, en termes de paysage tout court et de paysage mémoriel, on pourrait en discuter longuement. Mais en même temps, maintenant, autour du chevalement, on a une clôture qui vient d'être installée. La ville a accepté, comme il est inscrit monument historique, un certain nombre de travaux dessus que la DRAC jugeait important de faire. Et on a un dispositif mémoriel sous forme de plaques qui rappelle des grandes figures de l'histoire de la Ricamari qui sont autour et qui, pour moi, sont presque en quelque sorte comme une série. Alors, est-ce qu'on peut parler d'ex-voto? Je n'en sais rien, il faudrait discuter là-dessus. Mais ce sont nouveaux habitants qui arrivent à la Ricamari qui vont certainement transformer la sociologie de la Ricamari, qui peuvent être pris de manière peut-être difficile par un certain nombre de vieux habitants de la Ricamari. On est sur un système de lotissement, donc on voit bien la sociologie du lotissement par rapport à celle du fond de vallée. Et on peut se demander si ce n'est pas une manière pour la ville de proclamer une identité à la face, quelque part, de ceux qui arrivent, une manière, quelque part, d'essayer de normer. Ça peut aussi se lire comme ça, par exemple, cet exemple-là, où rien ne s'est fait, d'un seul coup, ça se fait, mais est-ce que cette identité passée, qui n'était pas seulement celle de la mine, d'ailleurs, la Ricamari, on oublie aussi les tailleurs de lime, etc., est-ce que toutes ces simplifications par rapport à une espèce d'âge d'or passé, à la fois sociologique, économique et politique, est-ce que le remuement d'aujourd'hui, les transformations d'aujourd'hui, n'induisent pas un certain nombre de... on va dire de signes dans l'espace urbain, dans la manière de penser les choses, qui montrent simplement la complexité des mutations à l'œuvre à tous les niveaux. Alors il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette exposition, hein. Mais peut-être une dernière question. Une énorme quantité de documents a été collectée. Une petite partie seulement est présentée dans l'exposition. Est-ce qu'il y a un projet pour que les gens qui sont intéressés par toutes ces questions puissent aller les visiter, les connaître? Alors, une petite une partie... Une fois qu'ils sont oui terminés... Oui et non, parce que quand même, sur les lutrins, je pense qu'on... Les tablettes tactiles, je pense que si on veut y passer 2 heures, 3 heures, on peut. Alors, on va naturellement quelque part éditer. Déjà, dans un premier temps, un peu l'équivalent de ce que j'avais fait il y a bien longtemps autour des sites industriels en enjeu du territoire. une sorte de balade sur le territoire précédée d'un premier volume de synthèse. On va voir aussi si c'est possible de mettre en ligne en fait ce que nous avons fait sur les bases de données. Bon, c'est des questions de moyens quelque part aussi, de technique. Et puis là, ce qu'on fait, c'est une première mise à plat. Je pense que les auditeurs, ils comprennent bien qu'on est tous en train de se poser plein de questions et que ça nous a montré des choses auxquelles on ne s'attendait pas sur ce territoire. Enfin, je ne sais pas toi, Michel, par rapport à ce que tu pensais en t'embarquant un peu dans cette aventure, mais moi, je suis quand même assis devant un certain nombre de choses que pour l'instant, sur lesquelles je trouve que ça mérite un approfondissement. Donc l'idée qui suit, c'est à plusieurs, une sorte de volume d'approfondissement reprenant un certain nombre d'exemples, en essayant de continuer de déplier les replis ou de replier les déplis, je ne sais pas comment dire, tellement voilà, un livre à plusieurs, plus pas sous forme d'une balade, mais qui aborde en termes d'approfondissement un petit peu ce qu'on a évoqué là, la question des commandes, comment ça marche, ce genre de choses. Alors pour conclure, je peux, en poursuivant ce que vient de dire Philippe, proposer aux auditeurs une petite promenade en ouvrant les yeux. Partir de la place Badouillère, voir ce fameux monument du Rafour que je pense beaucoup de Stéphanois ignorent complètement, puis joindre le cours Jovin Bouchard, la place Et puis se Albert balader Thomas, sur tout le territoire de Saint-Étienne Métropole. Voir le monument aux morts de 1870. Ensuite, aller voir la Bourse du Travail, qui quand même qui est extraordinaire, n'a pas le mot travail sur son fronton. Oui. Et puis l'hôtel des ingénieurs, là, un petit parcours d'un kilomètre où on a quand même déjà une représentation. Mais pour les parler clair, il est très possible qu'on organise à la rentrée de septembre un certain nombre de balades découvertes thématiques en prenant quelques églises, des endroits. Ça, c'était une proposition que je faisais pour, comme il a fait beau dans le week-end. Mais passer déjà voir l'exposition. Et passer l'exposition, bien sûr, au parc-musée de la mine. Au site Courriot, que tous les Stéphanois connaissent, je pense. Donc je voudrais aussi signaler que l'UMR 5600 Environnement, Ville, Société, le LABEC Intelligence des mondes urbains organise les 30 et 31 mars 2017 avec notamment nos amis Christelle Morel-Journel et Georges Gay, trois demi-journées d'études sur les pollutions en héritage, quelle résilience dans les territoires post-industriels. Je pense que c'est un sujet qui intéressera beaucoup les Stéphanois. Et puis dire aussi oui, que le Grémos a mis sur son site, grâce notamment à l'intervention du photographe de Florian Kleinfein du musée et avec l'autorisation de Philippe Père, la fresque de la Bourse du Travail qu'on a enfin pu restituer dans son ensemble. 60 photographies remises bout à bout, voilà, qui permettent de l'avoir pour la première fois en couleur. Avec un petit commentaire. Et puis donc, Michel va nous donner des nouvelles du centre Max Weber. Ou très rapidement, parce que dans le cadre de la Biennale, 9 opérations ont été conduites par le centre Max Weber en partenariat avec une série de partenaires associés à la Biennale. Donc je ne vais pas vous les lister ici, hein, mais il y a des conférences, il y a des expositions aux grandes rues de la République, par exemple, ou dans un certain nombre d'autres lieux de Saint-Étienne, mais vous trouverez tout ça sur le catalogue de la Biennale. Oui, ou sur le site du Grémos, grémos.l'autre.net, où effectivement on retrouve dans la Biennale IN le programme du centre Max Weber in situ, pour faire valoir et faire parler les métamorphoses du travail, et notamment un rendez-vous de cette semaine, pour exemple, c'est l'habitat jeune Clairvivre, où nous étions auparavant d'ailleurs installés, qui propose un rendez-vous ce jeudi, donc c'est le Centre international de séjour Wojcinski, une exposition de recherche sur les jeunes travailleurs et la ville, projection d'un film documentaire animé par des chercheurs, c'est ce jeudi soir. Mais il y a tout un ensemble de propositions en effet faites et que l'on peut retrouver sur le site du Grémos. Donc juste, je me permets de rappeler que samedi, je présente au musée des Amis du Vieux Saint-Étienne une petite conférence que j'ai intitulée « Petit lapin au pays des soviets » sur le voyage de la municipalité stéphanoise à Moscou en 1935. Oui. Autre rendez-vous, simplement parce qu'on a évoqué les femmes tout à l'heure dans le travail aussi, ou peu représentées, une conférence qui est attendue le 22 mars. Alors, petite sélection faite sur ce rendez-vous-là, c'est à l'Université Jean Monnet, campus Tréfilerie, amphi E01. C'est le 22 mars, une conférence de Fanny Gallo sur les ouvrières à l'épreuve du féminisme et du syndicalisme. C'est proposé par l'Institut du Travail. C'est donc le 22 mars prochain à partir de 18h. Et puisqu'on est dans l'actualité des membres du Grémos aussi, vous rappelez ce rendez-vous que Jean-Paul Bentia nous a fait parvenir. C'est le 23 mars prochain, c'est à l'Orme, c'est à la Maison des Associations, rue Pierre Langard, à partir de 19h30. C'est l'association S'informer et échanger qui organise une soirée d'échange sur l'avenir du travail, question d'actualité s'il en est, avec les intervenants suivants: Pierre Héritier, fondateur animateur de Laser, le laboratoire, Bertrand Lordon, professeur d'économie à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, et Serge Proust, qui en a peut-être ne pourra être présent. Mais en tout cas, voilà pour ce rendez-vous également du 23 mars prochain. Et puis, alors, simplement, si je puis me permettre encore pour un dernier rendez-vous, un petit peu décalé, veuillez m'en excuser, mais on est encore dans une allégorie autre, épique et bouffonnesque du travail, c'est Tripalium. C'est un rendez-vous qui est proposé dans le OFF. C'est un détournement de l'intitulé de la Biennale qui est Les mutations du travail, et c'est là les mutilations du travail qui seront proposées et à l'honneur pour une journée off le dimanche 2 avril prochain en après-midi de 15h à 21h. C'est une organisation locale intitulée La Laverie qui propose une approche transdisciplinaire, pluridisciplinaire et artistique, qui propose ce rendez-vous autour des mutilations du travail. Donc un événement axé art de rue sur la critique de l'omniprésence de la valeur travail, les rapports de gens au travail, etc. Donc une approche un peu décalée avec cette compagnie Marzouk Machine qui propose ce spectacle de rue Tripalium, à retrouver donc le dimanche 2 avril prochain. Et puis en parallèle, l'agence Poil Emploi qui est spécialement créée pour l'événement, pour accompagner le public vers la désinsertion, avec une série de tests, d'ateliers, pour se voir déterminer un BIP, un bilan d'incompétence personnalisée. Bref, voilà, tout cela à retrouver le 2 avril prochain, ça se passe à la Cartonnerie, c'est le quartier Carnot, bien entendu, de 14h à 21h, le dimanche 2 avril prochain. Voilà pour le dernier rendez-vous que je voulais rappeler. Les rendez-vous, les autres, à retrouver, je le rappelle encore, sur le site du grémos.l'autre.net. Merci à vous, on se retrouve le mois prochain. Merci. Pour le nouveau rendez-vous mensuel du Grémos sur le 895 de Duo. À très bientôt. 13h passées d'une poignée de minutes sur le 895 de Duo. Je rappelle que vous retrouverez la rediffusion de cette émission mensuelle en partenariat avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, ce soir 19h, ainsi que demain en matinale dès 8h, et puis ensuite en podcast sur les sites dédiés de Duo et du GREMOS. Rendez-vous donc le mois prochain, troisième jeudi du mois, avec le GREMOS pour cette émission mensuelle. Musique pour vous accompagner en ce début d'après-midi ensoleillé sur le 895 de Duo. Vous retrouverez en après-midi le gros mix pour son rendez-vous mensuel qui interviendra spécialement cet après-midi, exceptionnellement même en ce troisième jeudi du mois. C'est le clash musical habituellement entre Boogie et Cargo, et ce sera un petit mix spécial concocté par Laurent cet après-midi, que vous retrouverez donc en direct sur cette antenne, et que vous retrouvez également pour son programme Musique du Monde avec Cargo. Ce sera à partir de 18h. Juste auparavant, à 17h, ce sera la rediffusion de l'émission hebdo proposée par Loïc, Son Bâtard, spécial Fukushima, une sorte de cérémonie ou commémoration tristement anniversaire. Voilà, ce sera à partir donc de 17h sur 895 de Duo. Et puis 20h encore ce soir, c'est le rendez-vous carcéral ou anticarcéral avec Papillon, en alternance avec La Petite Cuillère, vous le savez. Très bon après-midi, journée à l'écoute de nos programmes.